The Boy Crack. V'là le nouveau missile Scud. Frère, j'suis le boss du nord au sud. Tes disques se vendent pas. Fais des reprises de mes tubes. Quatre fois j'ai fini en tôle. J'ai jamais eu de bon baveux. Mes petits passent en radio. Tes grands passent aux aveux. Demain par à Miami car j'fais des concerts là-bas. Mais j'préfère investir au bled car j'ai de la famille là-bas. Trafic de stupéfiants sur mon casier judiciaire. Nique sa mère le commissaire et son salaire de misère. J'ai différentes filles avec différentes mères. Et comme j'ai plein de billets de sang, elles m'appellent pervers. J'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes. Mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. Contrôle de keuf, nique ta mère, j'ai pas mes papiers. Inculpé toi, y'a qu'à la salle de sport que t'as un casier. À Paname, toutes les michetonneuses te le diront mon frère. Y'a pas qu'au tabac qu'on gratte un millionnaire. Que le 7-8 m'en soit témoin, j'suis pas d'une famille aisée. J'suis plus cramé qu'un poulet braisé, va te faire baiser. Contrôle abusif, j'baisse les tasses en préservatif. Mes robeux trouvent ça jouissif. Tu peux me voir au fond de la boîte, ouais. Bouteille de chance, j'mets le rap à quatre pattes. Bienvenue sur la piste de danse. À Paname, on est les boss. À Paname, on est les boss. À Paname, on est les boss. À Paname, on est les boss. Tu peux me voir au fond de la boîte, ouais. Rolex en or. Et ne parle mal car ils sont restés dehors. À Paname on est les boss. À Paname on est les boss. À Paname on est les boss. À Paname on est les boss. Salope numéro 1 au top. T'étais même pas installé. T'étais bon qu'à gratter des clopes. Je vais t'apprendre à bien parler. Ça chope, sale flop. Je vais me faire retweeter par toute ta team. T'existais un pour lutter double disque de platine. J'allume un vierge car ce soir on claque des sommes astronomiques. Avoue que t'es vierge, bouffonne que sur ton signe astrologique. Souvent, ceux qui ont une vie de kleps deviennent des bandits. En effet, vaut mieux un fils au heps qu'une mère qui mendie. On est prêt pour faire la guerre, tout le monde à terre. Faire parler le fer, un bout de métal sur les longs pères. SNIP, boss de Paname. N.I.R. au street lourd, à Paname on est les big boss. Dis-toi MC d'enlever leur bouche de la bite à Ricross. Demande à la rue qui contrôle le putain de réseau. On sait où sont les vrais hommes, on sait qui sont les vrais hommes. Ah, clique et clique au lieu de critiquer. Faites du bif, c'est pas compliqué. J'pèse le game sans faire exprès. Coco, je pars avec ton briquet. Mets-les tous en putain de passage clouté. Je vais tous les shooter. Y'en a qui sont faits pour être vus. Je suis fait pour être rigolo. Je peux souhaiter d'avoir eu ma peau en featuring. A chaque combat, je suis le dernier à sortir du ring. Comme un trompe-poi, je me trompe pas, je fais que des tueries. Complètement débile qui va me voler mes billes. Je suis meilleur, ils le savent. Je suis pas un enfoiré puriste. Soutenu par les braves, je recevais des lettres de Fleury. Qui est au soldat, la voix, la folie et la furie. Fouini baby. Tu peux me voir au fond de la boîte, ouais. Bouteille de chance, j'mets le rap à quatre pattes. Bienvenue sur la piste de danse. À Paname on est les boss. À Paname on est les boss. À Paname on est les boss. À Paname on est les boss. Tu peux me voir au fond de la boîte, ouais. Rolex en or. Et ne parle mal car ils sont restés dehors. À Paname on est les boss. À Paname on est les boss. À Paname on est les boss. À Paname on est les boss. La la la la. L'argent fait oublier la race. À Paris, un arabe pauvre reste un arabe riche, ça devient un Qatari. Moi j'aime les rageux, ils ne font que leur devoir. J'offre une Rolex aux autres MC, qu'ils soient au courant de mon heure de gloire. Balancez les bombés, donnez-moi le brassard, libérez les ondées, parlez de Kinshasa. Venez pas nous gronder, on est que des poissards. Venez pas nous plomber, on est que de passage. Si vous tombez, évitez le placard. Baladez les condés, évitez le placard. Tout le monde est plombé, tout le monde est comblé. Tout le monde est con, fait le con, c'est le blackout. Les derniers dans l'arène sont les premiers en tchatch. Moi j'ai tout parié sur moi-même comme le gitan dans Snatch. Je le jure sur la tête des gosses que du Congo je me téléporte. Et mes cognos, ton style est bof. Kinshasa, on est les boss. T'auras plus besoin de dentiste. Écoute mon rap de baiser, fais les produits par des autistes. J'ai brisé mes chaînes, je traîne avec mon pactage. Nique sa mère à la rue, la vraie mon frère, ici y'a pas de stage. Fous le dawa dans le club, tu fous le dawa dans le vide. On a rempli des salles frères, avant de remplir son beat. J'vais dans l'humanitaire, rap handicapé. Coupez-moi la langue et même sans ça j'vais vous épater. Tiens j'ai trop la dernière envie de grailler des MC. Quoi nous défier, pas la peine imbécile. J'suis pas dans la compète, mais dans les pépettes. J'arrête ta télé, t'as quoi nos têtes. Rap t'es à la dalle, on te laissera peut-être un os. Ton rap n'avance pas, j'suis pas appelé lui les cosses. Tu peux boire au fond de la boîte, ouais. Bouteille de chance, j'mets le rap à quatre pattes. Bienvenue sur la piste de danse. À Paname on est les boss. À Paname on est les boss. À Paname on est les boss. À Paname on est les boss. Tu peux boire au fond de la boîte, ouais. Rolex en or. Et ne parle mal car ils sont restés dehors. À Paname. Panam, on est les boss, c'est nous les stars. 9-3 fait cavaler les gogues, sont où les stars? Rien que j'allume tous ces rappeurs et les pompiers peuvent rien faire. Comment bâtir un empire quand t'es entouré de manche-pierre? Ta vengeance marque la foule, t'as tiré sur ton poteau. T'as des gentils discours, on a des pieds l'impropos. Baby, baby, no more, ou baby, baby, no noir. Non, non, l'amour en pas aveugle, on t'a juste baisé dans le noir. Si t'es en galère de plaquettes, braque les pigés du coin. Si t'es en galère de SNL, braque la nuit du destin. J'suis le boss du 9-3, j'ai des punchlines de bâtard. J'suis le rappeur préféré de tes grands frères au placard. Prends ma génération, les autres en apprentissage. Trop de meufs racontent la merde, les culs remplacent les visages. À quoi bon sert nous clasher, j'suis aussi sale que la scène. Moi quand j'envoie des pics, ça me fait rentrer de la SACEM. Le rap français m'a saoulé à croire que c'est tous des projetrons. J'voulais être Harlem, j'ai un caractère de cochon. Du hype du rap j'en ai trop fait, soulève les tasses et les trophées. J'ai tellement d'haineux sur mes côtes, toi-même tu sais qu'on est cotés. Elle remixe comme des DJ, au lit ne savent que hoster. J'accouche pas dans ma dépôt, car je sais cra à côté. J'ai chatouillé mon étoile depuis que je vise les gratte-ciel. C'est nous les peines sont salées, la juge a mis son crin de sel. Bouteille de champs, j'mets le rap à quatre pattes.